Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Badoum 03, l'émission dans laquelle on compose des trucs en seulement 3 petites heures. Et aujourd'hui on est samedi matin, et samedi matin d'habitude on fait pas cette émission samedi comme ça, mais aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce qu'aujourd'hui en ce moment même se déroule Badoum 48, pas 0 du tout, Badoum 48, c'est-à-dire quasiment le même défi mais en 48 heures. On a proposé à des musiciens et des musiciennes de composer un morceau en 48 heures après avoir composé leur groupe, alors éphémère ou un vrai groupe. On leur a donné un thème que vous voyez déjà affiché ici, c'est Yelles arrivent, Yelles arrivent. Voilà, et tout ça en basque, en occitan, en breton ou en gallo. Donc là, toutes ces personnes, on a une quinzaine de groupes inscrits. On verra à la fin du week-end s'il en restera ou combien il en restera exactement. Parce que voilà, on a donné le thème hier soir à 20h et ils ont jusqu'à demain soir, dimanche soir, donc 20h pour nous rendre leur morceau avec ce thème. Yelles arrivent, Yelles arrivent. À partir de là, tous les groupes font ce qu'ils veulent avec cette information. Et nous, on va participer aussi, on va faire à peu près la même chose, mais en 3 heures. Et en plus, parce que je vais pas vous mentir, c'est moi qui l'ai trouvé ce thème-là. Du coup, je participe pas officiellement, mais je me suis dit qu'on allait faire un petit stream quand même un peu coolos. J'ai dit coolos, oui. Histoire de faire un petit quelque chose quand même, histoire de faire vivre l'événement. Et donc, comme le thème, il est de moi... Vous pourrez vous dire que j'ai triché, que j'ai déjà réfléchi à comment faire tout ça. Alors déjà, en vrai, non. Parce que le thème me donne envie de faire venir des aliens, mais ça, on l'a déjà fait, donc je sais pas. Et en plus, on va se rajouter comme d'habitude des contraintes d'accord et de technique. Et donc, le contraire du contexte, il est déjà mis, c'est le thème. Voilà, mais je vous propose sous... Hop, est-ce qu'on a la musique ? Oui, elle a toujours la musique derrière. Je vous propose, voilà, en direct, là, on est sur Radio La Culture aussi en direct. Si vous nous écoutez, pour une fois, sachez qu'on est en direct sur Radio La Culture. Vous pouvez avoir l'image sur Twitch, si vous voulez. Cherchez Hilargi avec un H, H-I-L-A-R-G-I. Et vous pourrez me voir faire des bêtises. Et je vous propose qu'on attaque directement avec les contraintes. Il reste deux contraintes, d'accord, qu'on n'a pas encore faites. Et ensuite, on va... Hop. Voilà, celle-là. Ensuite, on va recharger. Hein. Donc, on va faire lundi, on va faire la dernière contrainte, d'accord. Et on va recharger tout ça. Alors, c'est Mathilde qui m'a proposé mi 6 septième, mi mineur. Alors, putain, prendre 6 septième, je me souviens plus comment on le fait. Alors, on va essayer ça. Je coupe la musique. Et on va essayer... les accords de Mathilde, donc c'est dans le mi. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus comment on fait le système. Évidemment, il faut que ça tombe aujourd'hui. C'est majeur, ça? Je vais vérifier quand même. Vous savez quoi? Je vais vérifier. Je vais jeter un rapide coup d'œil. Alors je vais noter quand même la contrainte d'accord qui est donc mi. Je vous remets un peu de musique. Si septième et mi mineur. Voilà, voilà, voilà, voilà. Je vais vérifier quand même sur le portal. Comment on fait? Alors, au ukulé, parce que c'est un gros ukulé ce que vous voyez là. Hop. 6 septième. Oh là, c'est con parce que quand elle me l'a donné, j'ai vérifié comment on faisait cet accord à la con là. 6 septième, 6 septième. Ah d'accord, on met pas la fondamentale, on la fait descendre. C'est marrant ça. Je quand même être sûr, revérifier encore et encore. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien ça quand même. Moi aussi, quand je fais comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ça a l'air d'être ça. Alors, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Hop, je recoupe la musique et ça donnerait le 6 septième. Sachez-le. Du coup, c'est comme un si normal, majeur. Sauf que la fondamentale, qui est donc un si, et ici aussi, eh ben on la descend. Donc je pourrais faire ça en vrai. Ça sonne mieux que mieux comme ça. Il y a un truc qui frotte là. C'est chiant ça. La fois ça me l'a fait aussi, mais je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est ici? Ça frotte? Ouais, ça. Donc ça devrait quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui frotte? Non, mais c'est super chiant. Je comprends pas. Vous entendez ou pas? Ou est-ce que c'est... Ça naît du micro. Ça venait du micro de la voix, donc c'est pas très grave. Alors, mi, si septième, mi mineur. T'as envie de faire ça. J'ai envie de rajouter un ré, mais c'est pas dans les trucs, c'est dommage. Peut-être doubler, on va voir ça après, sinon on va me dire que je triche encore. Des accords assez originaux. On va pas se mentir. C'est rare d'avoir un truc comme ça. Pourquoi j'ai plus de musique moi? Ben attaque. Voilà. Et la contrainte de technique. Là, on les avait re-remplis. Alors, contrainte technique. Je sens que ça attend du cas à quoi encore. J'arrive pas à en choper un seul. Voilà. Ça va. C'est même assez cool. Ça va être bourdon ostinato. C'est-à-dire une phrase musicale ou même parfois juste une note qui va se répéter constamment. Bourdon, hop. À chaque fois, je me plante de clavier. Bourdon ostinato. Alors, un bourdon... Après, vous me dites si je dis une bêtise. Un bourdon, ça va être une seule note. Vraiment une seule note qui sera tout le long du morceau. Alors évidemment, on a le droit de couper de temps en temps. Hein. Mais bon, qui va être plus ou moins tout le long. Et un ostinato, c'est plus une phrase musicale. C'est une petite mélodie simple qui va se répéter. Alors, mi mineur, pardon, mi majeur, si septième, mi mineur, ça c'est les accords. La technique, il faut que je mette un bourdon ou un ostinato, ou les deux. Et le contexte, c'est y'elles arrivent. Et c'est parti. On a 3 heures pour composer ça. Alors, on va couper la musique, on va rejouer ces accords là et on va voir ce qu'ils nous disent, les accords. Parce que effectivement, les aliens, on l'a déjà fait. Il est chelou, hein, c'est chelou. Et je fais comme ça, peut-être. J'ai envie de mettre un ré à la fin. Un truc comme ça. J'aime bien cet enchaînement-là. Il est tendu, il est cool. Et à la fin, enfin, un truc doux comme ça, c'est cool. Et vous savez quoi? On va le faire. Parce que ça m'inspire plus. Ça m'inspire plus. Puis comme ça, la prochaine fois, on aura un autre accord... Là-dessus d'accord à faire, hop, et ré majeur. Et donc on va faire comme ça. Et ça m'inspire un peu plus, il y a un truc un peu de libération, je trouve. voilà, ça fait un peu peur, c'est un peu mystère. Un peu la menace, à part elle continue sur la menace, mais encore plus, bien mineur. Et la libération enfin. On peut faire un truc genre les libérateurs, libératrices arrivent. Du coup, je vais commencer. Je vais mettre des. J'ai envie de mettre des chœurs et faire un truc un peu lent. Quatre heures, je crois que j'ai jamais fait un truc aussi lent. Ouais. Hop, on va faire un truc comme ça. Hop, je m'installe, hein. Pardon, hein. Excusez-moi un peu pour le bruit. Je m'installe. Alors, on va faire. Donc, on a dit quoi? Mi. Alors, je vous rappelle que. Déjà, je vais mettre le. Je vais mettre un cœur parce qu'il y aura forcément un cœur parce que la libération, tout ça. Et qu'un cœur. Un cœur, c'est toujours un peu doux, toujours un peu cool. Donc je vais mettre un petit cœur et après je vais vous rappeler comment on fait des accords simplement pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans la musique, qui ne savent pas jouer un instrument. Vous allez voir que c'est super simple. Vous prenez hop, bon, je vais prendre ça et vous prenez n'importe quel son de synthé, de piano, de ce que vous voulez, et vous allez voir qu'un accord, ça se construit extrêmement simplement, surtout les accords mineurs, mineurs majeurs. Vous allez voir que c'est très très simple. Alors j'attends que... Est-ce que pendant ce temps je peux... Non. Je suis obligé d'attendre que ça charge. Mais tout simplement... Voilà. Au ukulélé en plus c'est très simple. Parce que vous allez voir là. Il y a ce qu'on appelle les barrés. Et les barrés ils font les accords exactement dans le bon ordre. C'est-à-dire que mon accord de là, un Do par exemple. Et bien il va se construire avec 3 notes. 4 notes. 4 notes dans le cas du ukulélé. La fondamentale, donc le Do, c'est la note qui donne son nom à l'accord. Je vais faire un Do majeur, donc je vais faire une tierce majeure, c'est-à-dire plus 4. Donc là j'ai mon Do, plus 4, 1, 2, 3, 4. J'arrive ici en Mi. Mais en fait mon Mi, c'est pour ça qu'on a plusieurs cordes, il est aussi là. La corde en dessous, donc je fais Do, Mi, la quinte, Sol. Et ensuite l'octave redo. Et on a l'accord majeur. Si on a un accord mineur, le Mi là, ça c'est la tierce majeure, et bien il va se transformer en tierce mineure. Donc on va juste enlever une case. Et le de Mi on aura Do. On aura ré dièse. Et les autres notes elles changent pas. Donc vous prenez la fondamentale, plus 4 pour un majeur, plus 3 pour un mineur, plus 7 à partir de la fondamentale pour le. Pour la quinte, et puis l'octave c'est plus 12. C'est la même note mais au-dessus. Et donc ça fait majeur. Et il n'y a plus qu'à, une fois que vous avez ce barré là, mineur ou majeur, ben vous déplacez. Et on peut tout faire comme ça. D'ailleurs les punks s'en privent pas, les punks ils font même pas la tierce. Ils s'en foutent, c'est juste ils la dégagent, ils font différemment. Et ils font juste ça, ils apprennent un barré. Alors eux ça serait celui-là plutôt. C'est pas vraiment un barré. C'est la même chose, mais il n'y a ni majeur ni mineur, comme ça on s'emmerde pas avec ça. Et ils apprennent juste à mettre leur doigt comme ça. Et après ils déplacent la main. Et c'est tout. Et si vraiment vous n'avez pas envie de vous faire chier, eh bien vous pouvez faire ça. Cela dit, si je fais ça, c'est cool, mais je préfère faire ça. En vrai, les deux se valent. C'est juste qu'il n'y aura pas exactement le même ressenti. Mais voilà. Et la guitare, c'est pareil, sauf qu'il y a 6 cordes, donc c'est un peu plus chiant. Alors. Donc, on a dit Mi majeur. Mi majeur, Mi majeur, Mi majeur. Donc, on va prendre le Mi, donc c'est-à-dire E. On va faire, comme j'ai dit, plus 4, parce que c'est majeur. 1, 2, 3, 4. Et plus 7, donc encore plus 3. 1, 2, 3. Pour avoir ma Kent. Ma Kent, ma... Oui, ma Kent. Je l'allonge. Hop. Là, on va aller à 6. 6, 6, 6, 6. Et je vais faire une tierce, une octave aussi, ici. Comme ça, parce que le, par contre, le 6 septième, il va nécessiter quelle note au lieu des 3 des majeurs mineurs habituels. Et donc là, si je vais en si, si c'est quoi? C'est B. Ouais, c'est B. Hop, je descends jusqu'à B. Donc c'est majeur, mais en fait, celui-là, je vais descendre encore 2 notes de l'enfantal. Ça donnait ça. Et comme là ça descend très bas, je peux remonter mon La à l'octave. Ici. Alors, copier, coller. Je copie-colle mon Mi majeur pour en faire un Mi mineur, parce que c'est le troisième note de notre gamme. Et je copie-colle mon Mi majeur à la fin. Et je déplace tout en même temps, parce que en fait, un accord majeur mineur, c'est juste des écarts entre les notes. Donc si on prend toutes les notes et qu'on les décale toutes ensemble, ben on change juste le nom de l'accord, mais ça reste majeur ou mineur. Et donc on finit par un Ré. Ré c'est un D, donc ici. Et donc ça donne ça avec les chœurs. Un peu mystérieux, un peu flippant. Toujours flippant, mais plus grandiose. Et libération à la fin. Ok, donc on part sur une libération, mais libération de quoi? C'est ça la question. De quoi est-ce qu'on se libère? Est-ce que c'est important? On a vécu la guerre, tout ça. Donc au début, peut-être qu'on va partir sur un truc un peu violent. Et pour finir par un truc plus doux, plus libération. On va faire un truc comme ça, comme si c'était la fin d'un morceau peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une batterie déjà. Une batterie, je la mets toujours en haut. Et on va faire un peu de truc un peu métal, mais range juste deux phrases. Comme une intro. Juste comme une intro. Et enfin, comme si c'était la fin d'une autre chanson. Et là, paf, on va partir sur un truc un peu libération, un peu cool. Allez. Comme vous le voyez, j'ai pas un ordi ultra fulgurant. Donc parfois, il faut. Voilà. Ici. Patou. Des fois, j'avais trouvé des trucs en cherchant un peu dans les trucs que je pensais pas trouver. Genre là. C'était bridge. Hein. Après, le tempo est très très lent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est pas Motown. Il y avait des trucs. Donc. Voilà. On va prendre ça. Alors là, ça paraît très lent, mais comme c'est de la magie, ce qu'on peut faire, c'est que hop, je mets fold pour garder toutes les notes que je veux, seulement les notes que je veux avoir. Je sélectionne toutes. Salut Doudou Galak, comment il va? Donc je le sélectionne tout et je fais diviser par 2, je crois. Voilà, je fais diviser par 2 et en fait, automatiquement, il va jouer 2 fois plus vite. Et moi, j'ai plus qu'à changer le début et la fin de la boucle. Et voilà, c'est de la magie. Et on va finir, je pense, avec le Ré pour enchaîner sur ça. Quelque chose comme genre. Ré, j'ai dit Ré, c'est ici. Euh, Peut-être pas, peut-être commencer avec l'autre. Peut-être en mieux en fait. Ouais, on va faire un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Donc là, on va faire vraiment 2 secondes et demie de métal. Combien on a là? Durée 2 secondes. Voilà, on va faire juste ça. On va mettre des fils dans tous les sens, des breaks de batterie dans tous les sens. Alors, ça je garde, ça je peux le virer, je pense. Bon, je vais virer ça aussi. Hop, et on va donc audio, guitar rig. On va aller chercher les trucs qui sont bien quand même. Faut que je me fasse un rack un jour bien pour ici quoi. Histoire d'avoir quelque chose de facile et de... Parce que là, du coup, j'utilise tous les presets de l'album que j'ai fait il y a 5 ans déjà. Et je pense que ce serait pas mal que je retravaille un peu ça. Et que je les fasse spécialement pour le stream, quoi. Donc, hop. Évidemment, si je n'ai pas la bonne entrée, bonne sortie, ben c'est sur la voix que se mettent les effets. Alors que bon, c'est pas ça qu'on veut. Et la magie, c'est aussi de pouvoir foutre des amplis. Alors qu'on a que l'ordi. Donc, mi. Faire un truc comme ça, quoi. On va faire ça d'un côté et l'autre de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du silence ici. Genre plein. Combien j'ai là? Hop. Longueur 2. Ré. Silence 2. Parce que sinon, ça va commencer direct et ça va être relou. Hop, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est allé chercher un peu loin. Hop, ici. Voilà, comme ça. Hop. Ah, je sais pourquoi. Parce que je lui avais dit la dernière fois de me laisser un décompte avant de commencer à enregistrer. Mais ça, je veux pas cette fois-ci. Voilà, ici, s'il te plaît. Voilà, on va mettre ça d'un côté, dans les aigus, hop, on va aller à 40, 50, ça fait beaucoup. Je vais dupliquer la piste, mettre une guitare de l'autre côté, c'est-à-dire à 40L. Et on va faire la même chose, mais cette fois on va aller en bas ici, là. Et l'idée c'est d'avoir plusieurs guitares qui s'empilent, pour avoir un son un poil plus massif. Hop. Bon, je suis bon. Coucou Malba. Je sais, oui, que t'aimes quand c'est massif. T'en loupes pas une, toi, hein. Premier message de tous les temps sur le truc. Faut que ce soit ça. Alors, voilà. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on compose un morceau en 3 heures avec ces contraintes-là, sachant que le contrainte de contexte, c'est le... hop, je vais donner ça. C'est le thème de Badoum 48 que les gens sont en train de faire. En ce moment même, du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Mais comme c'est moi qui donne le thème, et du coup, je l'avais bien avant les autres, je ne participe pas officiellement, quoi. Sinon, on se trouve facile. Insérer piste audio, on va enregistrer une petite basse. Et on va mettre une petite basse. Hop, plugin. Gna gna gna. Guitar rig. On va se mettre une basse. Et ça tombe bien parce que j'ai une basse. Vous allez voir une belle basse que j'ai récupérée. Est-ce que c'est pas une belle basse ça? Hop, le casque là. On va lui mettre un petit. On va faire simple. Hein, bass amp. Que vous voyez que ce que je fais un peu. Bass pro. On va lui mettre. Moi j'aime bien la clean bass. Voilà, s'il veut bien la charger. Je crois que je suis pas sur le bon canal, voilà, c'est ça. Si. Voilà. Et comme je suis un petit bourrinos, et ben on va rajouter une petite distorsion. Hop, et la Big Fuzz, j'aime beaucoup, je la mets entre la compression et la basse. Et tout de suite. Si j'enlève mon micro, histoire que vous n'entendiez pas le... Et du coup, comme c'est en mi en plus, et que la basse est accordée généralement en mi, et c'est le cas ici, eh bien on va pouvoir faire un truc bien gras. Hop. Bon, j'étais pas prêt, hein, j'étais pas prêt. Voilà. Hop. Tu vas rester là, toi. Donc, ce qu'on va faire, si vous nous rejoignez, c'est que donc on a toutes ces contraintes là pour faire le morceau. Évidemment, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, parce que on, apparemment c'est comme ça qu'on me voit, c'est de faire un truc les aliens arrivent. Mais on l'a déjà traité, les aliens arrivent, ici dans l'épisode, je sais pas, 7, 8, 9 par là. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire un truc plutôt genre la libération, et parce que les accords donnent envie de faire un truc genre plutôt libération. Et là, je vais juste lui mettre une énorme break de batterie pour enchaîner. Et donc l'idée, c'est que on va partir sur un truc un peu filmique. On a la grosse bagarre et après on a la libération. Et donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va faire juste la toute fin. On va faire la toute fin de la bagarre et on va enchaîner direct sur les vibrations. C'est terrible ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien et je vais les... Hop, non merci, je vais lui rajouter comme ça là. Et je vais lui rajouter même un peu avant un autre break, histoire que vraiment ça soit débile. Moi j'ai un truc vraiment bête. Voilà, ça c'est bête ça. Hop, non merci. Vous voyez quand même la magie, hein. Suffit de copier-coller. Et ça donne quelque chose comme ça. Merde, j'ai fait une bêtise. Hop, comme ça. Première bringue après le Covid. Moi j'étais plus sur genre tu vois, je vais te faire écouter les accords. J'étais plus sur le... C'est la bagarre et puis... Écoute, les accords sont très doux. Tu vois le truc un petit peu venu du ciel avec la lumière? En fait, c'est ce dernier accord, ce ré qui donne tout le ré majeur, qui donne toute la puissance du truc, je trouve, et qui fait très doux, très on respire. Et j'imagine bien, tu vois, l'armée qui arrive, l'armée ou le libérateur ou libératrice, on s'en fout, qui arrive au ralenti avec une lumière divine, quoi. Ça dit, ça peut être aussi la libération de la mort, quoi. Vous voyez, enfin libéré de la bagarre, quoi. Je dis ça parce que ça fait penser à Brevard, à William Wallace qui se laisse aller à la mort finalement et qui et tu sens que ça le soulage. C'est la joie, hein. Libération de l'âme, exactement. Thank you. cet accord là il est cool quoi. Ce que je vais faire, c'est que ok tout ça très bien la bagarre, hop je vais mettre ici basse OD pour overdrive et je vais mettre une petite guitare hop, ça va descendre toute la partie métal sera comme ça. Je vais mettre une petite guitare douce. Normalement je vais remettre ce que j'avais avant hein. Hop, dans les persos normalement j'ai Billy acoustique ici. Et on va faire une petite guitare toute tranquille, toute jolie. Hop. Je récupère ça. Faut que j'enlève aussi la sangle, elle me fait chier cette sangle. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire. Hop, toi tu vas aller là. Voilà. Alors, on est sur du Mi normalement. Donc, Mi, je signe que je dis pas de bêtises. Ici. On va voir ce que ça donne. Le problème c'est que pour le bourdon ostinato, vu que j'ai un mi majeur et un mi mineur ensemble, je sais pas si la gamme elle change pas en cours de route. C'est possible. Je dis un mi sans toujours mi. Un truc comme ça, alors je vais mettre de la reverb à fond. Écoutez-moi ça. Hop, on va se faire ça. Et on va se mettre un petit clic, parce que sinon c'est compliqué à savoir où est le temps. Petit truc comme ça et je pense que je vais le doubler, je vais faire une autre petite guitare sur une note différente. Plus dans les graves. Directement, alors j'étais ici, et comme ça, je l'enregistre direct, on va voir ce que ça va donner. Sûr, c'était bien ça. Ouais, c'était bien ça. C'était bien la bonne note que je voulais avoir. Hop, hop, hop. Je le mets en boucle, ça, comme d'habitude. Hop. Et je lui dis que c'est un tones. faire lire un... J'improvise au fur et à mesure. Si vous avez des idées, surtout, vous n'hésitez pas. Vous me dites ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie d'avoir. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui mettre un... je vais chercher un truc avec des tomes. Voilà, on va prendre ça. Là, c'est juste histoire d'avoir d'avoir les tomes. Parce que sinon, sur faut chercher sur les 8 octaves où ils sont. Et c'est relou. Alors. Comme ça, je pense. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et après, on va le... Il est un peu aigu, celui-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-là plus grave. Ici, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire, hein? Celui-là, il va descendre un peu. Et allez, on va partir en full instrumental, full orchestral. Alors, on va mettre des violons. J'aime les violons. Les trucs qui vont venir, pareil, petit à petit. Alors, pas les jogger contact. Je vire les voix et je vais aller chercher mes violons ici, que j'aime bien. L'ensemble de violons qui est là. Voilà, très bien, et on va faire venir, pareil, petit à petit les violons. Pour que ça soit de plus en plus balèze. Ça charge vite, c'est cool. Alors, on va essayer... Déjà... Ça, je vais mettre plus aigu, parce que j'ai envie que ça finisse vraiment, vraiment en haut, quoi. Alors je vais virer ça et je vais mettre Fa dièse 3, Fa dièse. Hop. Ça finisse comme ça, quoi. Voilà. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais les vraiment faire venir petit à petit. Je crois qu'il soit méga balèze. Hop, pardon. Tout ça, ça va descendre. Je sais pas si ça marche, ça a marché comme ça. Hein. Au pire, il y a d'autres effets qu'on peut mettre. On va le faire couper avant. Il est un peu fort, lui, il est un peu fort. Et comme ça, on va faire venir un peu comme ça. Alors, en tout cas, ce que je viens de faire là, c'est pas changer le volume, c'est changer la vélocité, c'est-à-dire l'attaque. Comment les gens jouent leur instrument. C'est-à-dire qu'on peut, le faire tout doux, même au doigt si on a envie. Hop. Voilà, là, vous l'entendez. Je vais vous montrer en enlevant le. Je peux faire ça, tout doux. Mais je peux faire ça aussi. Alors, ça influe évidemment sur le volume. Mais ça influe aussi beaucoup sur le son. Et je vais quand même rajouter un petit. Alors ça c'est le frequency filter, c'est-à-dire que c'est un passe-bas. C'est-à-dire qu'il est pas, il laisse passer que les fréquences basses. Vous savez que comme quand dans les films, quand ils sont en dehors d'une boîte de nuit, ça fait ce boum boum. Mais c'est parce qu'il n'y a que les basses et on utilise tout simplement ça. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout remettre du coup, hop, tout en haut comme ça. Et je vais essayer même de voir si je peux, si je peux monter un peu plus dans les aigus. Hop, je fais une bêtise. Le là, est-ce que le là, il le joue là? Hop, ici. Ouais, il le joue. Donc je vais prendre les deux notes les plus basses de chaque accord et je vais tout monter d'une octave. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est chiant. Et on va voir ce que ça a donné si je fais ça. Je sais pas trop, c'est peut-être trop. Je vais le mettre en boucle. Et je vais lui mettre un petit un arpège quelque part. Alors là, il me faut 4 notes pour faire l'arpège. Alors je vais rajouter ici celui-là. D'ailleurs, je vais tout mettre comme ça. Lui, j'ai ici. Celui-là, un là, ici, voilà. Et on va lui mettre un petit arpège. Et pour être sûr que ça corresponde, parce qu'on a que 3 heures, je vous rappelle. Hein. 2h24 maintenant. On va simplement faire les. Le mettre un truc comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour gagner du temps, on va aller dans MIDI Effect, Arpeggiator. Et bon, déjà, avant de faire ça, je vais renommer des trucs. On va mettre Bourdon 1. Du coup, le bourdon, il est déjà là. Hein. Hop. Bourdon 2. Ce qui veut dire que la contrainte technique, c'est gagné. Ici, c'est les violons. Voilà, ici c'est les chœurs. Une connerie. C'est les chœurs. Et ici, je sais pas encore ce que ce sera. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un arpégiator et puis on saura très vite. On va faire down. Cet enchaînement là, deux accords, il fait très merde, musique classique quoi. Surtout que ces arpèges de violon. Ma grand-tante adorait. Ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, après, on va se rajouter des accords. Parce que le ré à la fin, il est cool, mais il l'amène à quelque chose d'autre, je trouve. Donc pour l'instant, on va finir sur ça. Et on va se faire, ça va être une première partie, donc une toute petite intro métal. Première partie, ça, où les libérateurs, libératrices arrivent. On rappelle le thème. Et après, libération, du coup, on va rajouter des accords. Mais lui, qu'est-ce qu'on lui met comme, comme instrument? C'est ça la question? J'en ai aucune idée. On va virer ça. On va virer ça aussi. Je me fais vraiment pif. Non, du coup non. Du coup c'est pas bien. Galactica. Moi, j'adore les trucs galactiques. J'aimerais un truc comme ça en fait. Et cet arpégiateur, il va pas pouvoir le faire. Alors peut-être que je pense qu'il y a moyen de réussir à le faire faire ça, mais je pense que c'est vachement plus simple de lui faire directement. Alors, voilà, hop. Et on va virer ce qu'il y a là. Blablabla. Bla, bla. Parfois, c'est pas toujours intéressant de faire de la musique. Parfois, c'est chiant. Voilà. Pareil ici. Non. Peut-être que c'est bon, le côté... le côté musique classique qui me donne envie de faire ça aussi. Je ne sais pas. Vraiment très musique classique. Voilà. Hop. Allez. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu chiant comme ça là. Mais quand on voit le temps qu'on gagne à pas le faire à chaque fois, finalement. Hop. Et le dernier. Papam. Non, c'est beaucoup, beaucoup trop petit. C'est là comme ça. Hop. Et j'avais pas trois accords là. Donc là, F dièse, c'est-à-dire Fa dièse, parce que parfois, par hasard, ça correspond bien. Que j'ai fait moi ici, comme ça là. Voilà. 2, 3, 4. Donnerait quelque chose comme ça. Faut juste trouver l'instrument maintenant. un piano peut-être, je sais pas. Hop, simpler si je le mets le grand piano. Il se passe quoi? Un piano électrique peut-être, cela dit. Le grand piano d'Ableton n'est pas dégueulasse, sachez-le avec un peu de reverb. Pas mal. Donc si on écoute tout, ça donnerait quoi? Alors déjà, pardon, je vais rajouter une petite guitare dans les aigus là. J'ai envie. Parce que je trouve que ça manque un petit peu d'un truc un peu plus baston. Vraiment dans les aigus, il faut que j'aille chercher. Donc on a dit que c'était un mi, hein. On a dit que c'était un mi, donc mon mi il est là. Hop, comme ça là. Tout comme ça, parce que je trouve que ça manque un petit peu, pour tout vous dire. J'ai pas l'habitude d'avoir des clics aussi lents. Faut se dire que c'est la fin du morceau précédent en fait. Donc il faut que ce soit quand même un peu balèze. Et comme c'est pas un truc qu'on va jouer derrière, ben on s'en fout, on peut y aller un peu fort, un peu trop fort même, si on a envie. Et là pareil, on va lui mettre. Je sais, je rajoute toujours des trucs. C'est ça aussi. On va mettre un Glockenspiel qui va juste faire des petites notes. Instrument. On va chercher directement Glo. J'aime les Glockenspiel. Il y en a différentes sortes. Celui-là, il est bien. Et. Si je vais là. J'étais presque. On avait dit quoi? Donc si, mi, non, à faire si, sol. Si, sol, mi, sol du tu. Ouais, c'est bien. On va faire ça et je vais l'enregistrer en vrai de vrai celui-là, histoire de. En même temps, c'est pas le truc plus compliqué que j'ai jamais fait en plus. Je dis ça, je me plante, mais quel gros naze. Non mais attends, je fais demi la suite. Oh là là là là, mais quel gros nom. Convaincu, étrangement. Je sais pas, la fin elle est pas assez. Hop, tu dégages toi. Pas assez grandiose. N'hésitez pas à dire si vous avez des idées. quoi, c'est un... J'avais mis, je sais pas. Non, je sais pas, je voulais mettre une petite guitare électrique là, mais c'est compliqué. Les accords sont chelous, quoi. Peut-être tout simplement. Peut-être une petite guitare électrique là, comme elles sont, comme je les ai déjà là. Hop, on va en mettre une petite ici. On va faire sol. C'est quoi ça? Ça c'est en fa dièse? Fa dièse? Fa dièse et finir en la. La. Je mets le clic là, parce que les batteries, enfin les tomes derrière c'est cool, mais c'est pas assez. Ces accords, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre de suite, donc c'est assez cool. Et lui pareil, je vais foutre la reverb. Et descendre le volume. Puisque nuit, j'ai pas envie de faire vraiment le. Alors, on va faire le changement d'accord maintenant là. Enfin, changement d'accord. Plutôt que d'avoir 4 accords en boucle, on va faire 8 en boucle à partir de là. Mais j'ai pas envie d'avoir vraiment l'explosion à la fin, que ça monte constamment, et d'arriver à un truc vraiment grandiose, mais que ça s'arrête au moment où vraiment c'est censé péter. Petite variation dans la batterie aussi, parce que sinon ça peut vite être redondant. Je trucs comme ça. Parfois, il faut juste rester simple. Là on va faire pareil, je rajoute ces guitares. Ah. Si vous voulez une petite règle, alors évidemment toutes les règles sont à contourner, mais une petite règle qui marche pas mal, c'est que quand vous faites un changement, quand vous montez comme ça et que vous voulez un changement un peu significatif, faites toujours deux changements plutôt qu'un seul. G-10-4, hop, on va utiliser ça, continue. Et y aura d'autant plus d'impact et ça va être moins chiant. Et parfois ça peut être pas grand chose, là je vais juste de prendre le piano et de le monter d'une octave. D'abord ce Glockenspiel là. Alors, on s'écoute une fois et après on enchaîne sur la suite. On va mettre une basse là. C'est le moment, je pense, de faire péter la basse. Hop. Je débranche Billy et je récupère la basse. Yep. Je vais garder ce son pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Alors, d'accord, c'est quoi? Mi, si, mi, ré, do. Je vais faire un sol à la place de deuxième mi, histoire que ce soit un peu plus entraînant quoi. Voilà. Alors, je vais jouer très rapide. En même temps, je voulais un truc un peu tendu. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Et non, ce que je vais faire, c'est que je vais le... je vais pas d'overdrive sur celle-là. Je vais vraiment la garder clean, donc je vais virer ça, voilà. J'ai un peu plus d'impact. Alors, à partir de là, je pense que ça. Alors, je refais les accords. On va voir ce qu'on fait, comment c'est pas fait. C'est quoi? Merde, j'ai plus le début. Un truc comme ça, ouais. Ah, je l'ai pas. Changement de... Nous on a ça pour l'instant. Tu aimes bien Malva? Ah! Oui, ça le fait. Yeah, ça le fait, gros. Ah, j'arrive pas. On a le dos, c'est sûr, regarde. Donc, do, ré, ça marche. J'arrive pas à trouver cette cœur d'accord. Ah, la mineure peut-être. Ouais, on va faire ça. Et je vais pas faire de changement de rythme, je pense pas. Hop, on va faire ça. Alors, je vais utiliser les cœurs. Hop, je vais changer de couleur. On a dit donc. Ouais, je vais recommencer ça à zéro. On a dit do, ah, ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et on va lui mettre l'octave, histoire 2. Ré. Et j'ai dit hop, ré, sol, c'est G et la mineure. Donc la mineure, on change la tierce et on va aller là. On va juste écouter le tout avec que les chœurs. Donc ça, c'est les premiers accords qu'on a utilisé jusqu'ici. Donc là, enchaînement. Genre, si je suis pas ultra convaincu, peut-être quand les. Non, c'est l'inverse que je voulais faire. En faisant ça. Ah merde. Mon kiki nuit. Voilà. Non, il y a un truc qui me chagrine. Peut-être que c'est juste ça, hein. Peut-être qu'il faut juste que je remonte un peu les notes ici. Hop, plus 12, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas. Je suis pas ultra convaincu. Non, je suis pas. Il y a un truc qui me chagrine un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter Sa mineur et je vais mettre en mi. Mi. Mettre mi mineur à la place du sol majeur, ce qui est le. Qui est l'équivalent de mineur du coup. Ici, clac clac clac, qu'est-ce qui me manque là? Au-dessus. Mi? Ouais, on va remettre mi ici. Voilà, très bien. J'ai un doute sur ces accords. Le mi je l'aime bien, mais du coup le la mineur à la fin il marche plus. Je trouve. On va essayer. Est-ce que j'ai enlevé la gratte ici? D'ailleurs je vais vous mettre autre chose comme son de gratte. Ça va être mieux si je vous mets ici ça. Voilà. Donc à la base on a ça. Ah, j'arrive plus à jouer. Et donc on va essayer d'enchaîner avec ça. La majeure à la fin, le mineur. Idiot. On cherche des accords là. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, on va voir. Lui pareil, je vais encore le modifier un peu. Hop, dans les basses, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du coup. Comme ça, à peu près. Et si on va faire ça un peu proprement, on en prend un sur deux. Hop, et on lui baisse un peu sa vélocité parce que les deux mains tapent jamais exactement pareil quoi. Salut Tofushi, comment il va? On fait une émission spéciale Badum 48. Badum 48, donc il y a le défi des radios en langue minorisée qui propose à des groupes. éphémère ou constant de s'inscrire, et on leur a donné ce thème-là hier soir à 20h. Ils arrivent, ils arrivent! Et donc le but, c'est de faire une chanson en 48 heures pour tous ces groupes-là, avec ce thème-là en basque, en breton, en occitan ou en gallo. Ou et en gallo. Et donc je me suis dit que bah, j'allais participer aussi en faisant mon petit truc là, quoi. Sachant que moi je triche un peu, c'est moi qui ai sorti le thème. Donc je triche un peu, c'est pour ça qu'officiellement je suis pas inscrit et que je me suis rajouté des petites contraintes à la con. Et donc on en est là pour l'instant. L'idée c'est que donc il y a c'est les libérateurs libératrices qui arrivent et qui nous libèrent, et donc on est sur le moment où on les voit arriver. Et mais dans ma tête c'est tu vois une espèce de grande bataille, on sait pas trop, gna. Et donc on arrive sur la fin de la bagarre. C'est pour ça que ça commence pendant, je crois, 12 secondes. 6 secondes, c'est métal. Et après, pouf, on enchaîne sur le truc. Comme si c'était une bande originale de film. Mais hop. C'est toujours plus simple de gagner quand tu réussis. C'est un défi et pas un concours. Attention. Il n'y a rien à gagner. Et du coup, il n'y a rien à perdre. Ce qu'on vient de faire, c'est de trouver des accords pour enchaîner après cette boucle de 4 accords là, parce que je trouve que ça a mené à quelque chose. Là c'est le bleu là, les nouveaux accords. Il faut enchaîner le reste, évidemment. Pas sûr, dis-moi encore. Pas sûr de rien en plus. Pas sûr. Ah, mais il est en mineur, ce con, là, c'est pour ça. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est bien ça. Pas sûr du deuxième accord. Ben c'est bien, ça marche, mais avec le reste, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Les aigles arrivent, Gandalf. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Hop. Là, oui, mais j'ai pas changé. J'ai pas changé dans les violons, évidemment. Hop. Je vais remettre à partir de là. Tard, ce Wookenge Field. C'est pas mal, je me le refais une dernière fois pour être sûr. Parce que j'aimerais pas faire un truc pas bien. Ce mineur, il est bien là, ce mi mineur. Eh ben, ça me paraît pas mal pour les accords en tout cas. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça là, ça je l'aime bien, c'est un piano, ça va, d'accord. Hop, piano, donc je renomme piano. Piano, hop, il va suivre les accords. Donc, copier, hop, coller. Tout ça, je vais mettre une octave au-dessus. Plus 12, donc, comme vous le savez maintenant. Et on va faire la même chose. Le tenenenenenenenenen. Alors, je joue l'accord, c'est pas la partie la plus sexy du truc. Mais parfois, c'est nécessaire. Tutun, tun. Hop, hop, hop, hop. J'enlève le crayon. Merde. Et zut, zut. Tu me diras, ça pourrait le faire, hein. Hop, je reviens en arrière, excusez-moi. Hop. Et comme ça, ça va être mieux certainement. Ouais, je crois que c'est mieux. Merde, c'était quoi? Ici. Hop. Hop, et ça, ça dégage. Voilà. Ça, évidemment, on le duplique 4 fois. On va faire la même chose avec les 4 accords. Ici. Tac. Alors, un vrai bon musicien, il ferait ça direct au clavier. Hein. Mais ici, on les voit en Ableton et pas le reste. En même temps, quand je l'écoute, je me dis que c'est une suite, ça doit être une suite chromatique logique, je pense, le mi mineur à ce moment-là. Parce qu'il est, il est presque trop parfait, quoi. Il est presque trop à sa place pour que ce soit intéressant. J'ai bien dit presque. Hop, hop, hop, hop, hop. Allez, j'arrive pas. J'arrive pas, dis donc. Hop, hop. Faire la basse après. Hop, on va mettre tout ça en bleu et après ben on va doubler tout ça, quoi. Ah là là là, pourquoi il se met pas en boucle? No, de façon permanente, c'est chiant ça. Ça devrait être le normal, ça, la boucle. Hop, voilà. Le Glockenspiel, je le garde pareil parce que ça marche bien. On va attaquer la basse direct. Je crois que je suis pas en rythme, alors je vais le refaire. Hop, je vais virer ça aussi. Voilà. Mais le clic, pourquoi j'ai pas le clic? Parce que je l'ai pas mis, vous me direz, mais c'est pas une raison suffisante. Thank you. Waouh, ça fait les bras. Hein. Ça fait les bras, quoi. Hop. Allez, toi, tu vas là. Là, qu'est-ce que j'ai là? En do, j'imagine. Hein. Voilà. C'est bien en do. On va remonter vers le do, après on va descendre. Bah, je l'ai fait un peu au pif, ça marche pas mal, j'ai l'impression. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi, on a ça ici. Allez, on s'arrange direct. Je suis en solo, c'est-à-dire que j'entends pas le reste. Du coup, c'est plus chiant. Perdu, perdu, perdu. Et on va descendre. Voilà. On va faire un truc comme ça. Je m'entends pas, la guitare là, cette guitare là, elle est en train de tout brouiller. Ce qui fait que je m'entends pas. Je suis désolé. Voilà. Je crois que je suis pas mal. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hop. C'était pas de bonne note. C'est pas grave, on va tricher un peu. On va tricher un peu, c'est pas très grave. Ça me donnait ce qu'il me fallait. Voilà, on a notre boucle. On a notre boucle, il reste 1h30, on va faire une petite pause alors. On écoute une fois, après on fait une petite pause, je vous mets un petit clip, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner hein, en fait, hein. On est à combien là? 44, objectif 50 followers. Allez, comme ça je peux être affilié, comme ça je suis tranquille après. On va s'écouter ça avec toutes les guitares que j'ai enlevées. On va s'écouter à peu près jusqu'où? Jusque là, évidemment. Ça serait encore le plus simple. Et après on va faire une petite pause. Et après on revient. On s'écoute ça. Ça c'est dur la chanson, hein. Et voilà pour le morceau qu'on a pour le moment, on est à la moitié à peu près, une heure, il nous reste 1h28, alors je vais mettre pause sur le timer. Je vous mets un clip de Québec avec Mbarat, rappeur occitan qui participe à Badoum 48, il est là en ce moment, il est en train de composer un truc avec le même, la même contrainte ici de Yelzarive, lui ça va être très certainement l'occitan, j'imagine. Et voilà, il y a une quinzaine de groupes qui sont en train de participer au défi en ce moment. Et du coup, demain, dimanche, à 20h, on va commencer à voir tous les résultats. En attendant, moi je vous laisse avec le clip, on fait une petite pause et je vous dis à tout à l'heure. Sur ti, io siete di pastos, ruma dietro asbestos, nati. Kukoske krepotry balia. Eta druga eta txupatry balia. Ela bumatiki kosto katry balia. Ta krumba ulibe stobija try balia. Mais ui kazał ke pozry ba. Brembas, te cię studis ty te pasad brembas. Te kasa loki bo minia. Pensa, pensa. A na uty slok si majina cał deja. Ta terapia pude eskapas ki trapen barat. Ile lute stupado. Et twist the brats that the rai with a hestro jetas to late pro body cap plafond et la pute de la tout capitat et jaw lou the carbon C'est déjà fini? Oh, il y a eu un bug. Je sais pas, j'étais pas là. J'étais pas là, je vous avoue. Nous, on va enchaîner, du coup. Il nous reste 1h28 pour finir ce petit morceau. Je le réécoute une fois avant de voir qu'est-ce qu'on fait après. Oui, ça commence comme ça, c'est normal. En fait, Tofushi, je te présente Doudou Galak. Doudou Galak, je te présente Tofushi. Vous ne savez pas encore, mais vous connaissez. Je me demandais ce qui manquait, c'était les violons. Les violons sont pas aussi hauts, du coup, paf, ils descendent d'un coup. Hop, on va faire ça comme ça. On va essayer de tout mettre à l'octave pour voir est-ce que c'est pas trop haut. Tester, hein. C'est trop mignon tous les deux. Pourquoi ça marche plus? C'est quoi cette histoire? Il y a ça qui déconne ou quoi? Non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi qui est... C'est le piano. Il Du coup, c'est quoi ton ostinato? Tu veux pas essayer une percue redondante à la Boléro de Ravel? Une percue redondante à la Boléro de Ravel? Merde, je l'ai pas. Attends, Boléro de Ravel, j'avoue que je le remette en tête. Merde, je l'ai plus. Oh, mon ostinato, enfin, du coup, c'est un bourdon. Ce serait ça. Celui-là. Celui-là. Et j'ai même celui-là. Bourdon, c'est bourdon ou ostinato. Là, pour l'instant, ostinato, j'ai pas mis parce que j'avoue qu'avec les accords qui changent là, ils sont un peu chelous et avoir un seul truc, c'est un peu. Tu peux essayer une percue redondante à la Boléro de Ravel. Putain, comment c'est le. C'est ça, Boléro de Ravel, d'accord. Hein. C'est ça que tu pensais à comme ça? Un truc comme ça? Pour le percu? Faut que ça marche pour un truc qui marche. Parce que là j'ai ça pour l'instant. Hein. Attends, mais d'abord j'aimerais percer ce mystère là que je comprends pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Et entre ça et la reprise. J'ai l'impression que c'est les violons. Sont plus balèzes ceux-là, je suis à combien? 109 et 102, ouais c'est ça. Alors on va remonter à 109 pour voir si ça fait la diff, 110 même, allez. Hop. Allez. C'est peut-être ça, on va tester. Percu, ton, ton, ton, ton, ton, ton. On va regarder ça, ce que j'aime bien quand même. Ton, ton, ton, ton, ton. Tu sais quoi, on va se mettre des percus. Alors j'ai des percus d'orchestre, mais j'ai des grosses timbales, je crois qu'on appelle ça. J'ai des grosses timbales, méga basses, méga lourdes et tout, mais c'est trop généralement. C'est un snare drum. À la limite, non, tu sais quoi, non. Je vais mettre, juste mettre une batterie. Hop, je vais juste copier-coller ça. Et essayer de trouver une batterie là. Ça, c'est un peu plus percutant de ça. C'est un peu plus percuté. Un truc comme ça, tu voudrais, toi. C'est ça, hein. Comme ça, tu sais quoi, je vais l'enregistrer vite, taf. Et après, je vais le faire mieux. Hop. Et je vais mettre à fond. Toun, toun, toun, toun, toun, toun. Hop, je vais virer un des deux, je vais... Alors ça va être un peu plus carré que ce que moi j'ai fait. Et en même temps, je pense que c'était pas plus mal quoi. Si je fais ça simplement... Hop. Je vais faire ma boucle ici. Allez, mon petit gars. Ça, je vais le mettre à fond. Je vais le doubler. Je vais le mettre exactement la même chose, mais dans le tome plus haut, plus bas. Alors je tente un truc, hein. Tu me dis si ça te va, Doudou Golak. On va mettre pareil en bas. Hop. Mais tout à fait, mais tout à fait. Hop, je suis où là? Bon, pas grave. Je vais mettre dans le tome un peu plus grossier. Mais pareil, on va lui mettre aussi. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Et on lui baisse 1 sur 2, le deuxième a priori. Peut-être pas autant quoi. Je veux bien que le mec soit bon mais... ok, donc en fait j'ai fait une bêtise. Ce qui n'est pas très grave en soi. Hop, ça s'est dégagé. Et ça, ça va aller jusque... quoi ? Chelou. Ah, c'est parce que... Voilà, hop, ça je le mets là. Un truc comme ça, ça te va? Doudou Golak, et avec ça, avec de la reverb et faire péter un petit peu les cues, comme on dit. Hop, tu vas voir, ça va être trop cool. Hein, franchement, ça pète ou pas? C'est classe ou pas? Je vais mettre à partir de là. Que après pour voir. Tu le veux avant. Faudrait tout réécouter. Peut-être que là on va faire un petit un petit pan onirique. Tout comme ça avec une voix. On a découvert ça la dernière fois. On a une voix d'enfant et c'est super cool. C'est hyper doux et très aigu et très doux à la fois. Et on pourrait un peu casser l'araignée comme ça, faire juste. Tu vois, J'allais le faire tout de suite. J'allais le faire tout de suite. Sol. Sol, hop, je vais là, je vire tout sauf. Un truc comme ça, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois. Fais n'importe quoi. Tenter mettre de faire même une quinte tout comme ça. Alors 1 2 3 4 5 6 7 pop pop pop. Non, je vais pas faire ça, déjà parce que je sais pas le faire. Et parce qu'on va garder un truc un peu doux. Et on va le décaler un peu lui. Voilà, comme ça. Ça c'est nul. Lui il a pas assez de niveau. Je vais le compresser. Peut-être que est-ce que je peux le booster un peu. J'ai peur que si je monte trop la vélocité. Bon, change rien. Un peu de réverb du délai, on est et c'est vraiment c'est féerique quoi. Un truc léger, genre ça. J'essaye, hein. Non, c'est pas ça les accords. Les accords, c'était quoi? Les accords, c'était Do, Ré, Do, Ré, Mi, La. Un truc comme ça, ouais. Le Do, je suis pas sûr, le Do début, il est... Ok. Au piano, peut-être. Au piano, je vais essayer. J'ai un piano quelque part, j'ai un piano ici. En faisant très doux. Ici plutôt. Je vais faire comme ça. Hop, je vais lui dire de d'enregistrer qu'à partir de là. Alors Do. Ça, et en fait bon, mon clavier là, je peux pas dire à Ableton la vélocité. Si j'appuie fort ou doucement, c'est la même chose, mais par contre je pourrais le modifier après, tranquillement. Et enregistre. Ça me permet de suivre la voix qui est pas carrée, de faire ça. Voilà, et lui pareil, on va le mettre le plus doux possible. Peut-être pas autant quand même. Et on va lui mettre une quinte avec. Une bêtise là ou quoi? Non, c'est bon. On va lui mettre la quinte, pour ça c'est très simple, je duplique. Je remets au même endroit et je fais plus 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Et je le mets. Allez. Je vais mettre juste un peu après que ça fasse. Trin. J'avais une autre fantôme. Et la quinte, je vais la mettre une octave au-dessus encore. Histoire que ce soit un peu plus dans les aigus. Voilà. Et la quinte, on l'entend pas assez, alors je vais l'augmenter un peu en vélocité. Un peu trop. Voilà. Et délai à fond. Peut-être que lui, il est un peu heureux. Qu'est-ce que vous en disiez? et on reprend ensuite avec vous. Ça, je vais mettre comme ça. Hop, là on va lui mettre un petit une batterie montante, cymbal stuff 4-4 et crescendo. Et on va mettre ça là. Hop, tu changes de couleur. On va être un peu plus balèze. Et lui, on va lui mettre des octaves dans la gueule, histoire que ce soit un peu plus balèze aussi. Alors, mi, hop, ici, do, ré, mi, mi, ici, voilà. Pas ces trucs là, je l'aime pas ces trucs là. Je vais choper les autres qui sont sous ce mode stuff, gna gna gna, sans long. Et oh, hop, ici voilà. Quitte à le modifier pour que ce soit deux fois plus rapide. Hop. Quitte à ce qu'on fasse ça, ouais, on fait ça. Ah, il m'énerve. Il me faudrait un autre écran aussi, parce que là, ça commence à vraiment être petit. On est pas mal. Je l'écoute une fois en entier pour voir ce que ça donne. Il nous reste une heure. Il nous reste une heure pour finir les détails. Si vous avez des idées, vous dites. Hein. la base qui prenait beaucoup de place aussi. Pardon, je vais faire un petit changement ici. J'en profitais, donc je suis là. Pam pam pam. Et donc, si je dis pas de bêtises, ça doit faire quelque chose comme. Peut-être comme ça. Faire plus simple en fait, ce qu'on fait pour faire plus simple, c'est que on sait que ça fait tan tan tan 1, et donc on en met 4, et on sait que le 4ème il va être sur le 1 suivant, donc on va pas l'entendre, mais en fait ça nous aide à régler un peu le truc. Pareil, on va les mettre toun toun toun ici. Hop. Hop, ici on va mettre des cuivres. Alors on va chercher plugin contact. Hop, plapla. Ici, je brasse et on va mettre l'ensemble. Comme ça, on aura tout qui va jouer en même temps. Ça va être bien balèze. Comme j'aime. Massif. Ça va être massif. Comme l'aime Malba. Yep. Alors on va trouver. Il nous faut 8 notes du coup. On va descendre un peu bas. C'est cool hein. Je vais les entendre quand même bien. On va juste mettre le violon et ça, histoire de. Je vais dégager. Histoire d'avoir les bonnes notes. On commence par un mi normal. C'est chelou, putain, j'arrive pas à trouver la bonne note pour le deuxième accord. C'est fou quand même. Oh, F dièse. Ouais, d'accord, c'est ça. Je suis en train de m'aider en regardant les notes qu'il y a dans l'accord. Est-ce que je le fais triomphant avec le la ou pas trop? En tout cas, je vais enregistrer ça. Hop. Ça à l'octave aussi. Hop, alors je commence, c'est un E. Alors, contrôle, cliquez, je vais vers le haut. Descendre, on va mettre un sol ici, donc un la. Ça change pas grand chose, mais il est moins moins cliché quoi, moins grand triomphant facile. Je trouve que c'est un peu mieux. Je suis désolé, j'avais pas vu Le Tvloid. J'ai pas vu que tu m'avais suivi, c'est trop cool, merci, il y a 8 minutes, 9 minutes, mais je crois que j'ai un problème avec les avec mes sons. Je suis en train de voir, mais périphérique audio gobo, ouais, non, ça devrait être ça pourtant. Je comprends pas. Je vais vérifier, mais hop, line in, Microsoft, ouais, je sais pas. C'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Bref, merci en tout cas à toi. 45, allez, 50 followers. Et puis on pourra se la péter. On se la fait une fois et on voit, je sais pas, ce qu'il faut rajouter une voix, rajouter une guitare. Je sais pas, pour que ce faire soit un peu plus cool, soit un peu plus satisfaisante. Il manque une mélodie. Là, je vais juste vérifier ça. Thank you. vous entend pas, les violons. On va faire différemment. Hop, déjà, ça, ça va dégorger. Alors, bon, je vais essayer une mélodie au violon. Pour ça, bon, j'ai changé le mode de je sais pas comment on dit, la façon de jouer des violons. Je vais leur rajouter un petit chord pour avoir plus 12 et plus 24. Et plus 24, c'est-à-dire que quand j'appuie sur une note, elle me fait deux octaves au-dessus. Hop, et est-ce que alors attack tech sustain uniquement. Et on va voir est-ce que ça va me... Là je vais mettre audio effect, je vais mettre un compresseur aussi parce que je veux que ce soit bien devant. On va voir. Hop. Comme ça, un peu flippant, c'est pas mal, je pense. Vous savez quoi, je vais enregistrer ça et qu'après on va voir le modifier tranquillou. Je commençais par si. Non, il y a un truc qui va pas. On va juste faire comme ça pour ça. Comme ça, on va s'enregistrer ça. Non, il y a un truc qui ne va pas. Excusez-moi, je vais y arriver. Je sais pas trop où je vais avec ça. Mais je pense que c'est peut-être le truc qui va tout changer, qui fait que la fin ça va être cool. Et au moins j'aurai une mélodie, quitte à changer après le violon comme ça, mais. Un truc comme ça, un truc comme ça. À un moment donné, j'ai fait une mauvaise note. Je vais aller mettre l'orchestre entier qui fait ça. On va y aller un peu à la bourrine un peu. J'ai envie d'être un peu bourrin sur ce coup-là. Hop. Tout, je veux tout. Tout ce qu'il y a des cordes, je les veux. Maintenant. Ah. Pendant que ça charge, voilà, je vous rappelle qu'on fait ça pour Badoum 48. Le défi lancé par Radio No Culture. Et par 15 autres radios en basque, en occitan, en breton et en gallo, qui consistent à proposer à des musiciens amateurs, professionnels, dans n'importe quel style, n'importe quel âge, de participer à ce défi, à savoir de faire une chanson en 48 heures avec le thème qui est affiché ici. Y'elles arrivent ! Le tout dans des langues minorisées, à savoir le basque, l'occitan, le breton et ou le gallo. Donc voilà. C'est pas mal, on va se réécouter une nouvelle fois parce qu'il y a des trucs quand même qu'on peut améliorer, je pense. On va changer le son après, c'est dégueulasse. C'est pas mal, mais le son est pourri, mais... Qu'est-ce qu'on peut y trouver comme son ? Peut-être qu'on va virer ça déjà. Hop, hop, voilà. Thank you. Je sais pas, peut-être que ça manque de... Et j'ai un problème aussi de justesse, je crois. On va essayer... On va essayer avec les chœurs pour voir. C'est un do et... Est-ce que j'ai un do? J'ai pas de do. C'est bizarre. Il y a un problème de justesse, je pense, là. Il va me faire chier, lui. Hop, il est où? Ici. Il y a un problème. Et aussi, il y a un problème. Je suis en mi mineur, du coup. Mi mineur, il y a quoi comme, comme note dans mon mi mineur ici. E, G, B. Hop. Il savait bien que le do il était pas juste. Mais voilà, le truc c'est que comme on change d'accord en cours de route, on change de gamme aussi, je dirais. Alors je suis loin d'être un expert, mais sans vouloir dire de bêtises, il me semble que y aurait eu un problème. Ce qu'on va faire, c'est que je vais doubler ces violons là juste pour vérifier. Et lui, je vais tout virer. Je vais mettre un piano parce que le piano c'est quand même vachement plus clair. Si jamais vous avez des problèmes comme ça de justesse. Je trouve que mettre un piano, ça aide vachement. Hop, grand piano. Ça aide vachement pour voir si on est si on est bon ou pas dans le bousin. Hop. On va mettre piano test, comme ça. Piano test apparemment. C'est très très aigu, donc je vais mettre à fond et redescendre tout ça parce que non, faut pas déconner non plus. On est 24 pour descendre de 2 octaves. Pas mal cette mélodie en vrai. Allez, c'est validé pour moi. On va voir ce que ça donne avec tout le bousin. Alors là, on était, admettons, à peu près ici, qu'on a les cœurs. Le cœur des garçons. Celui-là il est chelou aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Non, c'est bon, j'ai modifié ça. Alors, on va faire un petit peu de mixage, ce qu'il y a besoin. Et le problème des violons comme ça, c'est qu'ils ont tendance à être un peu à la bourre. Même si là, quand même, ils ont quand même pas mal d'avance, mais... Surtout, c'est un peu à la bourre, ces violons-là, donc parfois, il faut prendre tout le bloc et l'avancer. Surtout dans les graves, j'ai l'impression. Là aussi, hein. Alors qu'il y a de l'avance déjà, hein. C'est relou, hein. Où voulez-vous ? Je crois que c'est pas mal, je crois qu'on va écouter une dernière fois, mais je crois qu'on est pas mal là. Et on va lui laisser. Voilà, bien comme il faut. Petit peu de mixage ? Allez, un petit peu de mixage. Proposition, rajouter une voix qui répète si elles arrivent pour le côté ostinato répétitif. Ouais, ok, à toute fin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en basque. Elle nous dit là. Genre ici. Comme ça. Un petit peu murmuré. Ou t'as pas du tout ça en tête. Penser complètement à autre chose. J'essaye, hein. Que ça, j'avais pensé sur tout le morceau, mais ça passe comme t'as fait. Mais comme ça, murmurer comme ça. Faire comme ça et je vais le faire en plusieurs fois, genre hop, moins 35. On va faire la même chose mais en 35. Là tu vas me dire pourquoi est-ce que je laisse pas comme ça, pourquoi est-ce que je le refais comme un perso qui verrait cette lumière sur lui et se traiterait de la lune. Ah d'accord, genre il se rassure, genre il se rassure. Alors, je vais finir mon explication. Là il faut le redoubler. Si je mets un truc à gauche, un truc à droite, mais que je mets juste deux fois exactement la même chose, en fait, ça fait un mono. Un mono, c'est ça. Un mono, c'est quand des deux côtés, on a exactement la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire exactement la même chose. Mais comme je suis pas un robot, eh bien, ce sera pas exactement, exactement la même chose. Du coup, on va faire ça. Et donc ça, je vais le doubler et je vais rajouter une troisième au milieu qui pourrait faire office de... Hop. À partir de là, truc moins murmuré. Elle nous dit là. Elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. Elle nous dit là, elle nous dit là, elle nous dit là. un truc comme ça ou pas du tout? Dadou, comment t'as dit? Doudou Galak. Et non pas Dadou Galak, n'importe quoi, d'où ce que je sors ça, moi. Pareil, hop, on va leur mettre Reverb, Adonf. Mais tu sais quoi, on va faire un groupe avec ça plutôt. Histoire de pas surcharger l'ordinateur, on fait des groupes et on met un seul effet sur tout le groupe. Et ça évite de surcharger tout le bousin. Hop, comme ça. Alors lui, je vais lui mettre. Hop, déjà, je vais enlever ça. Hop, bibliothèque utilitaire. Je vais mettre la voix de l'album, mais je vais simplifier. Essayez de l'espacer peut-être moins sur la rythmique. Le feu, maman. Elle tout dit là. Elle tout dit là. Elle tout dit là. C'est comment, genre 1 sur 2. Le problème c'est que c'est pas les mêmes à chaque fois. Hop, hop. T'as vu le bordel que j'avais sur ma voix pour l'album. T'as un truc de ouf, hein. Hop, ça va dégager. Hop, voilà, tu dégages. Comme m'avait dit Paco, parce que celui qui m'a donné le truc à la base, c'est que tu mets de la reverb et tu boostes les graves pour faire une voix un peu plus lointaine. Essaye de les passer peut-être moins sur la rythmique, ok. Elle tout dit là. Elle tout dit là, elle tout dit là. Un truc comme ça peut-être. Et faire... pourrait peut-être faire un truc comme ça, mais... faire un ping-pong. Je vais essayer, je me fais deux trucs. Comme ça. Hop. Et je fasse un à gauche, un à droite, tu vois, un truc comme ça. Je vais faire ça. Faire un peu d'opi, c'est bien aussi de mettre un peu d'aléatoire dans vos trucs. Hein. Surtout, faut pas hésiter. Mettre un peu d'aléatoire. Hop. Et je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Du coup, je vais les passer moins 30 et 30. Je fais exactement pareil que l'autre. Faut que je regarde. Un truc comme ça tirait ou pas? Doudou Galak, ou t'avais autre chose en tête encore? Je vous fais écouter quand même. Si tu veux, je peux en crier certains. Genre, tu vois, un truc un peu lointain. C'est nickel comme ça, tu pourrais finir sur Aldo Dila crié dans Seul toi le secret. Bah, c'est ce que je voulais faire, c'est dingue quand même. Hop. Genre, sur la deuxième moitié, faire d'Aldo Dila bien lointain. Hop, je vais bien descendre le volume. On a pensé à la même chose, ouais. Comme quoi, je crie beaucoup quand même. Truc comme ça, on va voir ce que ça donne avec les effets et tout et tout, et en le mettant bien bien loin. Il était décalé celui-là, ça va m'énerver. Un peu. L'idée est cool, mais je crois que je l'ai pas super bien fait. Le premier est bien. Peut-être plus carré celui-là, non? Plus sur le temps et en faire moins que ça. Le premier est cool. Le premier, je l'aime bien. Le premier, il est au bon endroit, je trouve. Les autres, il me reste 8 minutes hein, pour finir. Les autres, je suis plus mitigé. Genre crie un peu, à moitié désespéré, à moitié enfin quoi, enfin ils arrivent quoi. Moi je préfère comme ça. Qu'est-ce t'en dis? Comme ça j'aime bien moi. On va réécouter juste cette fin là en entier. Ça renforce le côté libération que tu voulais au départ. C'est propre, good job. Mileshker, très bonne idée de ta part, cela dit. C'est ton idée, ça. Le mérite te revient, Dodo Golak. 6 minutes, il nous reste de quoi écouter une fois le morceau et faire quelques derniers changements. Allez. Et il va falloir un nom aussi. On sait pas trop qui c'est qui arrive, mais il y a un truc qui arrive, quoi. Ah, c'est pas mal pour un truc fin de 3h quand même, je trouve, avec vos bonnes idées. Est-ce que vous avez un nom à proposer? Ou est-ce que je trouve tout seul pour ce morceau? Pour appeler le Doudila, mais bon, c'est juste le thème du truc. Ça serait dommage de faire un truc aussi simple, je pense. Qu'est-ce que vous en disiez? Truc genre Shkatou, on parle de libération là, on parle de quoi? On parle de d'élévation presque même. Hop, attends, celui-là il est pas coupé ici. C'est pas grave, il est bien. Ticker, c'est cool quand même. Hein. Beaucoup de reverb, beaucoup de délai. Par contre, pourquoi le cœur je l'ai mis autant? Ah ben, parce que voilà. Je trouve ça bizarre. Celui-là. Voilà, ici juste là. Zéro, c'est fini. C'est fini. Le défi est terminé. Il nous faut un petit nom. Ashkatashunera. Ashkatashunera. Je sais pas. Je suis très mauvais pour trouver des noms au truc. Eldoudila, je sens que la moitié des groupes ils vont appeler leur chanson avec le nom du thème. Enfin, avec le thème. Tchalo mamam, il est shker malba. Trop bien, écoute, on va se réécouter ça à la fin. Pour l'instant, je vais vous mettre un peu de musique. Hop, hop, hop. Yep, musique, musique, musique. Il me faut un nom. Est-ce que t'as un nom, Malba, pour ce morceau qui serait pas Eldoudila? Autre chose que Eldoudila. Hop. Hop, on va partir sur celle-là, par exemple. Pif. Est-ce que ça marche? Voilà. Un peu de musique pour terminer. Putain, je n'ai aucune inspiration pour un nom. Parce qu'on peut trouver un nom fictif de genre de village qui se fait libérer, quoi. Genre. J'en sais rien. Dun, dun, dun. Bourdon, on peut l'appeler Bourdon. C'est marrant de l'appeler Bourdon. Je vais juste renommer ça. Histoire de pas me perdre si je veux. Libération. T'as des Matrix derrière un temps ou quoi? Babylone. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. C'est pas très Babylone quand même. C'est pas très l'esprit Babylone, je trouve. Et puis il faut que je garde ce nom pour le jour où je vais faire du reggae. Génération. Mélération, c'est. Pas un truc de SF ou de fantasy qui se fait libérer comme ça. Genre le Rohan, quoi. Et j'avoue que je dis pas beaucoup de fantasy, donc. Dernière fois, le dernier bouquin que j'ai lu, c'était incroyable, c'était L'Or du Contrevent. Que je vous conseille vraiment, c'était abusé. C'était super cool. Et on pourrait peut-être mettre un truc, mais j'ai pas envie de vous spoiler la fin. Donc je sais pas. Eldou. Alors, pour ceux qui l'auraient pas, elle, donc, de l'enfer en anglais, mais Eldou en basque, ça veut dire arriver. Mais en même temps, c'est pas tellement, ils sont pas tellement libérés de l'enfer, quoi. Moi, je voyais bien un truc genre, tiens, village opprimé dans la boue, et puis d'un coup, il se passe un truc, ils savent pas trop, et en fait, c'est l'espèce de libérateur. Tu sais, je vois bien des énormes mechas arriver en libérateur. Genre Helldivers, mais en gentil, quoi. Oh là là! Bidéan, peut-être, sur le chemin, sur la route, c'est comme ça. Tu sais quoi, on va se réécouter juste la fin, là, histoire de se mettre en jambe un peu. C'est une horde qui arrive, une espèce de. Une cavalerie, mais futuriste, quoi. Genre si je trouve des mots genre des mots clés sur No Lairan je sais pas comment on dit une horde quoi genre la horde libératrice. Est-ce que No Lairan va m'aider? No Lairan c'est un super site, c'est un dictionnaire traduction français basque. Horda, ben voilà. Groupe troupes indisciplinées, Shaldo, en sultan, Tropa, Aldra, Technico, Hordak. Horda, je crois que j'ai appelé Horda. Pas quand le quoi, la Horde ou No Lairan? Horda, c'est bien, genre une Horde qui arrive te libérer, une Horde de mecha. Bon, je vois bien des mecha arriver et. Ils libèrent le truc, quoi. Allez, ça va être Horda. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de meilleure traduction que Horda. Hop, je suis sauvé cette live sous. Clac, clac, clac. En fait, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être des méchants. Ça sera dans la suite, ça. Hop, alors, petit bilan, les accords, on les a respectés. Alors, puis on a fait d'autres histoire d'ouvrir un peu le truc. Le bourdon, ben on a fait 3 ou 4 des bourdons. On a pas fait d'ostinato parce que les accords. Le problème d'ostinato c'est que. Du coup, c'est des notes qui. Une toute petite mélodie qui se répète en boucle. Sauf que si tu changes de gamme en cours de route, ben ta mélodie, à un moment donné, il y a une note qui va être fausse. Et donc, c'était ça un peu le problème ici. Et le contexte, moi je trouve ça marche. Y'elles arrivent! Voilà, qu'est-ce que vous en dites? C'était cool ou pas? N'hésitez pas à suivre la chaîne, tout ça. Il manque 5 followers pour arriver à 50. Ce serait cool d'arriver à 50. Et voilà, si vous me découvrez, ben, je fais ça tous les lundis et tous les mercredis à 10h. Alors je sais, vous travaillez, mais moi aussi je travaille pour le coup. C'est le truc de mon travail. Voilà, j'adorerais trop bien te suivre dans cette expérience. Très bien, ben, tu peux faire ça tous les lundis, tous les mercredis. Le mercredi, je suis pas sûr que tu travailles mercredi, toi. Donc voilà, on fait des trucs très différents avec des accords, des techniques et des contextes différents à chaque fois tirés au sort. Et on rigole bien. Et ah tiens, je vais vous mettre les liens ici. Et après, vous pouvez avoir les... Voilà, tous les rediffs sont sur YouTube et sur Spotify. Toutes les chansons qu'on compose ici, enfin que je compose avec votre aide, parce que l'idée c'est pas que de me voir composer tout seul, c'est que vous me filiez des trucs. Tout ça est dispo après sur Spotify, YouTube, enfin partout où vous voulez. Cherchez Hilargi, H-I-L-A-R-G-I. Et voilà, et je rappelle qu'on a fait ça dans le contexte de Badoum 48. Doudou Galak, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a donné envie de participer l'année prochaine à Badoum 48? Donc l'idée c'est que Badoum 48, des groupes s'inscrivent. Ça peut être complètement des groupes éphémères, s'inscrivent et le vendredi soir 20h on leur donne un thème, le même thème pour tout le monde. Donc cette année le thème c'était Yelzarive. Et ces groupes là ont 48 heures pour composer, enregistrer, mixer et renvoyer une chanson. Donc demain soir à partir de 20h on va voir les morceaux. Et tout ça, l'autre contrainte c'est que c'est en basque, en occitan, en breton ou en gallo. Histoire de diversifier un peu aussi quoi. De voir qu'on peut faire plein de trucs dans plein de langues différentes et que c'est cool aussi. Donc à partir de demain soir, j'adorerais que tu mettes en musique mes idées, j'en serais capable quand tu le fais, bye bye. Mais après, rien ne t'oblige à faire le truc tout seul. Hein. Moi l'année prochaine, j'aimerais trouver quelqu'un qui va penser au thème à ma place et comme ça je pourrais participer. Donc si tu veux l'année prochaine, on peut participer à deux. Toi et moi, puis on va trouver d'autres gens si on a envie, comme ça. Et là, je l'ai fait en 3 heures, hein. Ça c'est en 3 heures, mais en 48 heures, tout le monde a le temps de faire un truc bien. Hein. Puis c'est 48 heures, c'est 48 heures maximum, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de rester pendant 48 heures focus sur votre truc. Bref. Badoum 48, j'ai hâte d'écouter demain les morceaux que vont nous pondre tous ces gens. Il y a une quinzaine de groupes qui sont inscrits, ce qui est quand même super cool. Et voilà, si vous motivez pour l'année prochaine, ben suivez-nous sur Radio Nos Cultures, suivez Badoum 48 un peu partout. Voilà, je vais couper la musique. Je vous dis à lundi 10h ou mercredi 10h, enfin lundi et mercredi 10h, pour un nouveau morceau qui sera pas une spéciale Badoum 48. Mais voilà, on va composer un truc avec des contraintes, toujours en 3h. Tous les lundis et tous les mercredis. Et je vous laisse, moi, merci beaucoup. Je vous laisse avec le morceau une dernière fois. Et je vous dis à lundi. Allez, salut tout le monde. Au revoir.